Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Tu livres, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. Hey! Vivre libre, je ne veux plus tomber dans le piège des fous qui se mettent à genoux. Vivre libre, crois-moi, ça va changer. Je suis restée debout et j'y ai pris goût. Je suis libre, me voilà, c'est ma voix là. Mais toi, tu crois quoi? Moi, j'oublie pas, c'est juste tes larmes. Car elles ne lavent pas toutes tes armes dressées contre moi. J'avais peur avant. Je parlais tout bas. J'étais jamais devant, oh non. Aujourd'hui, j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Radio à Grenoble sur 94.5 en DAB+ et sur son site internet max.radio. Setting it off in the real way, making the girls them chill their mind, making them have a good time. Yeah man, SPZ, yo, alongside Riri. Come down now Rihanna, take it to them girl. Work it up boy, cause you got me feeling naughty. I wanna she want a good man to give her the style. Wild child, so she dey on my file. It's a long time now, me want flow the style. Flow the style, my car run like the Nile. The most energy, me want give her tonight. Give her tonight and make she feel right. Make she fly like a kite and reach a new high score. We give it to the girl, them make them reel up on ball and make them start call. Anytime she want it back, she have to call. Don't tip all, I'm hitting it on the spot. And now the rain start call. Penetrate so great, cause she feel it tough up and tall. What you think, say? Break it up. Immediate, if not before. Got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Set it up, boy, make me hot all of my body. Break it off, take it off, no mistake tonight. It off. Yo. Break it off, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Yo, yo. Set it up, boy, yeah, yeah. Make yo, me yo. Hot all of my yo, body. Break it off, SPZ. Girl, you shoulda know SP and a scout. Nasty sweaters out, make your ball out. Shout, make y'all happy, me give affection in your direction. We got all out. Girl, just follow me if you love energy. If you want pedigree, cruise like an LP. Make I see you just bounce with the dusty lee. We keep giving you the Q to the U to the A, yeah. To the L to the I to the T to the Y. Girl, I got to try. Take your booty, make you reach to the SKY. Woman, I got to say, the way you move is making my eyes. Girl, cause you know, say your S to the E to the X to the Y. Boom, bang, boom, bang. Break it up, boy. Cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Sex to set it up, boy, make me hot all over my body. Yo, yo, yo. Break it up, no doubt. Yo. Break it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Bless up on the rain, no stress, boy, make me hot all over my body. Break it up, yeah. So yo, we're gonna break hey, it up yo, tonight. Yo, come and talk up. J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte. Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh, pourquoi? Rien que pour toi. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse. Sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme. Guerra solitaria, pensativa. Yo te pensé fuerte y no entendía. Ardiente, ardiente, je te fais la promesse.

until your feet catch on fire. Retrouvez tout Max Radio sur son site internet max.radio. Max. You must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But he dey rush well, he be much. Now go dey make my top, he dey rush. He kind money we touch, yeah. He dey rush well, he be much. No be hype, everybody dey crush. There's no darling with us. Let's start a show, 'cause I want you to be mine.

25th Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. He's hot. Label flop, but Pitt won't stop. Got her in the cockpit playing with Pitts. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Tu m'aimes sans toi, je suis perdu. Love me, kiss me, kiss me. Ça fait trop de temps que je t'ai au fond de la tête. Je peux plus te mentir, faut que je te dise les choses. Tu me rends fou, je suis dingue de toi, yeah. Avec le temps, j'ai appris à connaître tes défauts. Pourtant, rien ne change, je suis toujours aussi fou de toi. Et toi, dis-moi ce que tu ressens. Et avec toi, moi, je me sens bien. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, right harder on me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Oh, laisse-toi faire, je ferai tout pour te plaire. Juste toi et moi toute la nuit. Turn me on, turn me on. N'en aie pas peur,